la nuit. Abandonnés à leur sort, laissant parler la violence. Ils tapent, ils tapent jusqu'à la mort, justifiant leur existence. Coupables ou victimes, responsables de leurs crimes. Combien de vont-ils payer pour cette vie qu'ils n'ont pas choisie? Responsables de leurs crimes, combien de vont-ils payer pour celles qui n'ont pas choisi? Choisis.